moi comme un Sénégal. En vérité, nègre, vraiment mauvais là il est. Faut le savoir. En vérité, il parlait ouais en l'autre hiver. Mais pour chez nous qu'on sait. En vérité, depuis fond la Guinée, nègre mauvais dans tête, li mauvais dans chai. Mais pour chez nous qu'on sait. En vérité, nous peut pas résister. Depuis en tête levée, faut goûter à terre. Pas fait qu'on d'autres cabayons l'en main pour yo fort. Nous pépayons à l'autre pour l'amour empêcher nous.